Sky Supreme. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? Une bonne soirée chaque dimanche soir, rendez-vous avec DJ Case. Yes. Comment ça va, Case? Très très très bien. Très en forme ce soir. Ah ouais, on va se taper deux heures de bon mix et vous faire kiffer toute la soirée. Et on va débuter avec cette nouvelle rubrique. Bien sûr. Voilà, dans Rail Suprême depuis quelques semaines, on découvre ce qui cartonne au Maghreb. Et voilà, ce qui cartonne derrière l'Outre-Méditerranée, Maroc, Algérie, Tunisie, donc on vous fait péter. Là, ce soir, à l'honneur des sons essentiellement marocains, mais qui cartonnent. Très bien, par exemple, le fabuleux Yab Amir. Oh, exactement, Yab Amir et Sadlam Jared, il y a Zina aussi. On me dit Barbapaps. Barbapaps. Bon, on écoutera en tout cas dans Rail Suprême avec DJ Case. Coup d'envoi, c'est parti. Allez. Rail Suprême. Minuit, 2h. Avec Fred et DJ Case sur Skyrock. DJ Case. Numéro 5. في الحب قلبي كبير ما نجيش وقف حبي في الشتاء ونسالي في الصيف انا ماشي سالي بابغيش انا نكون خفيف في قلوب البنات انا ضيف نبدا الحب في الشتاء ونسالي في الصيف انا ماشي سالي قالت لي الوليدة من ربك بدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل قالت لي الوليدة انا ربي كبدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل راي سوبرم minuit 2 heures avec Fred et DJ K sur Skyrock numéro 3 يوقف الهذيل في صاص الليل تحت دارها جبت الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند مع الراس متلالي الصوت كيف الهذيل في صاص الليل تحت دارها جبت الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند مع الراس متلالي الصوت ويا البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن علي ولا نقولها للموند عايت انتي حتى انا لي الصوت يوم حن علي ويا البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن علي ولا نقولها للموند عايت انتي حتى انا لي الصوت يوم كيف الليل في صاص الليل تحضر شبط الموضيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند مع الراس متلالي الصوت كيف النبيل بصاص الليل تحضر شبط الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند مع الراس متلالي الصوت عليك انقهتونا ببغيني تبغيك بالاخر تقولوك تحت ما يستاهل ولي ما كتقولوك الحب ماشي سهل بالاخر تقولوك تحت ما يستاهل ولي ما كتقولوك الحب ماشي سهل سليباتي انا سليباتي عايش بخير هاني الله كبير دابت الله في راسك وفي الوايدين نميرو دو كل شي في الأول كي يكون زوين الكلام نحلو القلب نحنين ما باغي نضيق خليني انا بعيد فضل نبقى وحيد عز راسي والله ما باغي نضيق سليباتي انا سليباتي عايش بخير هاي الله كبير سليباتي انا سليباتي دابت الله في راسك وفي avec Fred et DJ K sur Skyrock. Yeah.

musique mieux que de faire dans la 16. Je suis avec des chahouis, je suis avec des pilcus. Y'a ceux qui roulent en gamme, c'est ceux qui prennent le bus. Je cherche la petite bête pour sortir ce soir. Faut que je m'embrouille avec ma meuf, faut que j'invente une histoire. Y'a rien qui m'attend, ça fait plus d'une heure. Raconte pas tes problèmes de cœur, je suis pas d'humeur. Ok, j'ai qu'à domicile. La solution mec Ench, il paraît que c'est la crise. Il paraît que tiens, redère, ne me fais pas la bise. On traîne en lambeau, souvent en Clio. On veut des fihnines, fuck les bimbos. Tête de bico, avec un gros naso. Tu fais pas vie cousine, ton sac vite, c'est un faux. Ok, allô docteur. Yeah oui mon cœur. Allô docteur. Yeah oui mon cœur. Allô docteur. Yeah oui mon cœur. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Suprême en direct sur Skyrock. En direct sur Skyrock. Below on the beat. الناس ماشي كيف الناس فيهم مدهب فيهم منحاس احنا يا ما مناش كلام مادو يا منا ماشي يا ما هو حاس باللي الناس بحملناش وما كاين باس هادي حياتنا ماشي حياته ربي حاسبنا وما مالهم حبك موتيفيشن كيحرك سنسيشن بيبي لا دو ريليشن انا ندير قاع ريفيليشن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم my baby girl oh انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم my baby girl كيف انتي ماشي بحالهم غدا ضي ضي ماشي بحالهم عمر انتي ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم هاي واي ماشي بحالهم ناري ناري ماشي بحالهم ماشي بحالهم انتي يا بيبي ماشي بحالهم هدرت الناس جابت لينا حرق الراس احنا احلامنا ماشي احلامهم عمرنا ما كنا بحالهم كلامهم قرطاس وانا ما عادي ما لباس احنا يا غادي نسدو فامهم ربي حاسبنا وما مالهم انا قلبي فيه فيبريشن حبك مكاين فتاشي نيشن ويلي ويلي شهد الاموشن حبك لي كاين ومكاين ما احسن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم my baby girl oh انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم my baby girl كيف انتي ماشي بحالهم غدو ضي ضي ماشي بحالهم عمر انتي ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم هاي واي ماشي بحالهم ناري ناري ماشي بحالهم Salut tout le monde, c'est DJ Kays. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. à la place Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque, par peur que ça m'arrache. Des brouillards, plutôt jeune, un gosse du rachet de système. Beurre et conscient de son potentiel en France. C'est facile de se retrouver au Hebs, à la vie. On tremble dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflet, toujours à l'affût, vicieux dès le spa. Des brouillards, dis star, ça, c'est le coup de grippe, Rachid système. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois c'est fatal, ça semble interminable comme les Fada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache par les draps bientôt. Et si on tourne ouvert aux critiques, auto. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. Rachid système, gros. qui garde tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. عمري وانتي حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب الشا عايشة صديق عايشة ميزيك مديزيك عايشة لا بكي تو غاي سندو شيشة عايشة ميبو عايشة نومي هل هي تو جولي دونك هل سوفو دي سون Je te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle décolle sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif et tu veux la consommer, consommer son boulot, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les enfants sous son plat. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Panama, on lui veut la part des ans comme ça. Soleil de minuit, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, Lourd dans le game, un peu comme Muggy. Malakini, baillé, bono, pépa, bambi. Et ça s'appelle Impoline. C'était bien le monde dans le bolide. Allez, tout le monde accroche à mon fusil de sang. Ça y reconnaît pas contrefaçon. Peut-être toi tu connais ma notion. Les rois de la sape et de la chocolation. Sapé comme neve, des neve dans le carré. 20 bouteilles sur la table, j'vais encore finir bourré. Allez, Yamato, Bina Cotazo. Avec moi, la dope, avec toute la zone. Équipé comme jamais, les 10 mètres sont charmés. Jusqu'à la côte d'Azur. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. T'avances sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent. Tels les mille et une nuits. Paris est vraiment. Ça pique comme jamais. Ça pique comme jamais. Ça pique comme jamais. Ça pique comme jamais. Comme jamais, bienvenue dans la terre du milieu. DJ on les a plus comme jamais. Les cœur en pot de serpent à des milieux. Normal que l'on casse la démarre. Où sont ces photos que j'ai démarre? Je suis sur la piste pour la laisser des tumeurs. Au clou du poignet, j'ai le salaire à Neymar. Dans mes grands coups, je vois l'avenir. Le meilleur reste à venir. Allô, tout gras, dur, craca. MH, Denis, craca. Ah ouais, Mani, craca. Maître, tu me sais, craca. Fais-moi un blouson, papé. Donne 20 000 euros, je citerai ton nom. Mamé, j'ai même pas touché. Qu'elle me fait un dégât des eaux. Mamé, carpate à le bout d'un cendrillon. Carrosse, gamos, beau gosse, vamos. Bouge à Phuket, un mois demain. Je fais les 100 pas, je pense au pesos. J't'oublie, tu boudes un mois de loin. Roger, Mila, Weya, Drogba. Comme eux, j'ai marqué le terrain. J'ai un gin en or, Balmain. J'ai un gin en or, cousin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. T'avances sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent. Il est une nuit, Paris est vraiment malade. Ça pique comme jamais, ça pique comme jamais, ça pique comme jamais, ça pique comme jamais. Y'a Loulou et Boudin, Loulou et Boudin, y'a taf. Ce soir, grosse soirée, faut pas que je vise le décor. En voiture immobilisée, et mon poignet relaxisé. J'arrête, c'est suffisé. Je taf pour la jouer bizarre. Tu parles, moi j'agis. J'ai t'as dit que la vie dit. Ce soir, on se fait la vie. Si mon équipe ne change pas, c'est la soif que vaincre la baraka. C'est pas la chance, mais c'est Dieu qui donne. Ramène-moi un kilo, on en fait une tonne. Sans cesse, à la fin du bon plan. J'ai bâti mon empire à la sorte, mon front. Chaque jour pour moi est un combat. J'ai les cicatrices que le temps n'efface pas. Je vais les fumer, j'arrive rien entendu. Je me les frappe dans la lunette. Champion toute catégorie. Je négocie un choc, je retape les 1. Le 0, 1, c'est le RO, c'est la diable. Je suis dans la zone comme les verts. Soigner de Paname jusqu'à Chouette. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme never des never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. Malade dans le club toute la journée. À peine arrivé dans le VIP et j'suis bourré. Si ma go m'appelle, je réponds pas, pas, pas. Ça va noyer le carré, faut qu'elle bourré. J'mélange vodka, tequila. Dix ça m'a roché, moi j'me mis là. Elle est numbo, si j'la dogging, j'vais y aller profond comme un pila. Viens chérie, elle a que sur la plata. Car elle VIP, que des restas. Elle est pétée, elle veut se frotter. Ça va dégainer les Mathieu et les belles. Nous magnum, cognac, belvé, jacta. Non, oui, j'fais la belle la cité. Debout dans ton bus, la 6.3. La gola, c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les trois, trois, trois. La gola, c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les trois, trois, trois. Elle veut le bouton, non, trois. Elle veut mon boussin, ça, trois. Vrai ou faux, ça, ça, trois. Je rentre avec DJ Maxa et Loti. Tu t'assois sur mes cuisses, t'es sur piloti. Balle dans le chargeur, et bien loti. Faut que je fasse rentrer des gros Loki. J'ouvre une bouteille, le bouchon de les autres. Elle se retrouve dans l'œil du videur. Il se demande si je prépare une sauce. J'm'emmène dans le futur comme dans les visiteurs. J'traîne à côté de ton derche. Je sais que t'es pas ma go, go, go. Me demande pas ce que je cherche. Y'a un Pokémon go, go, go. J'ouvre l'aile rond du Panamera. J't'éblouis comme un Kamehameha. Elle me fait un strip tease intégral. J'décolle comme ma. J't'aurais même si tu fais plaire. Billets verts en plusieurs exemplaires. Mon succès sera ta chute. Plus de choses à dire, je dis pute. La gola c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les trois, trois, trois. La gola c'est peut-être une fille bien. Mais on préfère les trois, trois, trois. Elle veut le bouton, ta, trois. Elle veut mon poussin, ça, trois. Ça, trois, ça, trois. Ça, trois, ça, j'envoie. Je vais envoyer, ouais, ouais, c'est la reggae, ouais, ouais, c'est la reggae, ouais, ouais, c'est la reggae, ouais, ouais, ça va barder, ça va barder, ça va barder, ouais, ça va barder, ça va barder, ça va barder, ça va barder. On m'a dit de faire Belek, Belek, Belek au vite, c'est qui nous guette, guette. On m'a dit de faire Belek, Belek, Belek au vite, c'est qui nous guette, guette. On m'a dit de faire Belek, Belek, Belek au vite, c'est qui nous guette, guette. On m'a dit de faire Belek, Belek, Belek au vite, c'est qui nous guette, guette. Si char, faut que ça pète. Si char en boîte, faut que ça pète. Si je bois, faut que ça pète. Vodka ou Jack, faut que ça pète. Ouais, si char, faut que ça pète. Si char en boîte, faut que ça pète. Si je bois, faut que ça pète. Vodka ou Jack, faut que ça pète. J'ai dit comportement bah ouais. Et mes combos me le torse ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les poches remplies d'oseille ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. Dans les carrés, VIP, qui voudra me gérer. Qui sera la plus fraîche, tu verras les plus belles fesses. Ouais collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. On me guette de haut en bas, j'ai pas le temps d'avoir le temps. Je tout égare, s'il te plaît, j'ai l'air doucement. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Ah ouais. Elle n'a que 16 ans, DJ Kaïs. Elle est métissée, sa mère est française et son père antillais. De son jeune âge, elle collectionne les hommes par milliers. Mais elle sait pas qu'on la connaît dans tout quartier. Allongé sur son lit, et ça toutes les saisons. DJ Case, fixe le mur comme en prison. Manque de respect à sa mère, comme si elle avait raison. Arrête ça ma petite fille, ce que tu fais ça nous fait du mal et ça paye pas. Prendre une décision, la laisser partir hors de question, ça je ne peux pas. À présent, tu resteras ici, je t'enferme à la maison. On verra qui a raison, je déconnecte la wifi, faut revenir à la raison. Ah, ah, bazardeux, ah, elle est bazardeux. Ah, elle est bazardeuse. Ah, ah, bazardeuse. Elle est bazardeuse. Ah, ah, bazardeuse. Elle est bazardeuse. Et tout le monde fait ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. La la la la la la. Loulou loulou loulou. Boum, DJ Case. J'quitte le franchement dans les couilles. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'la charge en veste. La la la la la la. Bouteille de Belvedere. Loulou loulou loulou. Et j'ai croisé mon père. J'suis trop terre-terre, j'ai du coltron dans le sang. On est comme des petits putes frérot, nous on lâche pas le coup. J'ai pris de mon grand frère à ce qui paraît, j'ai la même tête. J'veux toujours dernier mot, j'ai un drôle de caractère. Qu'est-ce que t'as, tu m'aimes vendre des trous, j'quitte mon poche, j'm'en bats les couilles. Qui veut que tu craches des douilles, j'passerai jamais à la fouille. J'suis à la tour 1, j'suis à la tour 2. Récupérer Youssef et on se taille à la tour 3. 350 en shit, 250 en B. Juste après, j'me caler avec une gadget à la tour 4. J'suis piqué du Tupac, j'suis pété ouais sous Jack. Avec les coupables, j'ai une tête coupable. J'suis à la K1, ouais, ouais, ouais, ouais. J'suis à la K1. Boum boum boum boum. Récupérer la frappe, ouais, ouais, ouais, ouais. Dans le pochon bleu. Ouloulou. Je ferai de la tête aux pieds, le videur veut me pointer. Sors un violet, là il veut me laisser rentrer. Toutes les gadgets me regardent de travers. Y'aura rien pour eux, moi je suis pas leur père. Oh mamacita, oh mamacita. Je suis pas en voiture, je te charge en Vespa. Fais pas la penteuse, ne me dis pas que je rappe bien, ouais, garde pour toi. Ne diminue pas, ne diminue pas. Y'a que les seins dans la pièce, ouais, tu veux que je cache quoi. Ce soir en Saint-Jaille, ouais, ce soir en Tanjaille. Bouteille de Belvedere, je ne bois pas de champagne. Tu rentres de travers, ouais, ouais, ouais, ouais. Et j'ai croisé mon père, boum, boum, boum, boum. Tu rentres à l'hosto, ouais, ouais, ouais, ouais. Et il veut j'en trop plaide, ouais, ouais, ouais, ouais. Et tout le monde fait, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je suis pirate donc l'eau de mer. Je suis pirate donc l'eau de mer. Oh, c'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, j'quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. T'as un gribeur de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te mailler. Ne tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà pas l'en baissé sur le palier. Comme André, tu mets, oh, j'suis médaillé. Pas mal, non, ce négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très salée. T'as à l'âge, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Oh maïe, maïe, maïe. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis ton rêve comme un fourbage. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme moi, je quitte pas. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes tort, tu quittes tort. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme toute la nuit emplotée. Elle est pas dans le même dégueu, les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP, me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle se manque avec moi, j'ai Instagram. Je prends mon sang pour mon Facebook, moi j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait l'attendre la madame. J'ai rien pour toi, moi je vis toujours dans la gamme. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Elle a le regard qui tue, qui dort. Cheveux longs comme tu me fais la me trouve beau, même quand je le suis pas. Fuis-moi, je te suis, elle, je la suis, elle me fuit pas. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme qui tord. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes tord, tu quittes tord. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme qui tord. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes tord, tu quittes tord. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme qui tord. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes tord, tu quittes tord. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme qui tord. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes tord, tu quittes tord. Passez une bonne soirée sur Skyrock, Rise Supreme, DJ Kayz est là. Ouais. Tout va bien, Kayz? Bah, très très bien, ouais. Tu vois, comme tu peux le constater, on s'ambiance. Là, on a mis une bonne session orientale et on a enchaîné avec les sons du moment, de ce qu'on peut retrouver dans les clubs, les chichas. Et je tiens à remercier tous ceux qui envoient des messages avec le hashtag Rise Supreme sur Skyrock. Yeah, n'hésitez pas, merci. Ouais. Continuez à soutenir l'émission, voilà, DJ merci, Kayz. Exactement, merci à vous qui ne sont pas que seulement en France et à travers le monde. On les voit partout. Voilà, ça vient du Maghreb, ça vient de l'Asie, des États-Unis, de Belgique. On voyage. Partout, voilà. Nous aussi, on voyage. Dites-nous d'ailleurs d'où vous venez, envoyez des messages. Même si vous êtes perdu dans un petit bled, n'hésitez pas. Vous balancez les messages, vous nous dites avec le hashtag Rise Supreme sur Skyrock. Voilà, faites péter. Est-ce qu'il y a des soirées à annoncer, Kayz, s'il te plaît? Oui, sur mon Facebook, vous pourrez voir. Ah oui, ouais, je les ai pas. On n'est pas très sérieux en ce moment, sur les dates. En ce moment, on dirait que t'as peut-être pas envie, quoi. Bah, c'est la fin de l'année. Bah, en tout cas, on est un peu partout et j'ai pas les dates exactes, mais vous pourrez aller visionner tout ça sur mes réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est la page DJ Kayz, DJ espace KAYZ. Instagram, Twitter, Snapchat, DJ Kayz Paris. Voilà, est-ce que tu sais enfin où tu seras le 31 décembre? Le 31, ça sera à Nice que ça se passe, au Famous. Nice a bien besoin de faire la fête après ce qu'ils ont vécu aussi cette année, donc se soulager un peu, oublier un peu les soucis du quotidien. C'est donc ça, on va leur faire oublier tout ça. Donc rendez-vous où ça? Au Famous, à Nice. Famous jour de Nice, le 31 décembre avec DJ Kayz, à pas louper. On revient dans un instant sur Skyrock avec la suite de Rise Supreme. Ah, la magie de Noël. Les illuminations, les cadeaux dans les magasins, les vitrines, le vin chaud. Oh, oh, oh, qui veut du vin chaud? C'est pas cher. Arrête, Romano, t'as reconnu. Sur Skyrock, c'est déjà Noël. Déjà Noël. Une Citroën DS3, des PS4 Pro, nickel, des places de foot, super, des iPhone 7, des places de concert, des chèques de 1 500 euros. Alors toi aussi, n'attends pas Noël. Et tout à l'heure, écoute le Morning Daddy Fool entre 6h et 9h sur Skyrock. Merci beaucoup. Oui, je répète, transport d'une victime âgée de 20-25 ans suite à un accident de la circulation ayant occasionné la section d'un membre et de multiples blessures au visage. Probablement en état d'ébriété au moment du choc. C'est noté, on tient prêt. Un deuxième véhicule suit avec un jeune homme, même âge, en arrêt cardio-respiratoire. Tous les deux jours, un jeune entre 18 et 24 ans se tue sur la route à cause de l'alcool. Un accident mortel sur deux a lieu la nuit. Sécurité routière, tous responsables. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Elle m'a dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Il est auteur, compositeur, interprète. C'est l'artiste, baby. C'est pour ça qu'il s'appelle l'artiste. Pas ton leader, je suis pas ton pote. Te dévoile son nouvel album tous les soirs dans Planète Rap. Planète Rap, laissez-moi profiter du soleil. Planète Rap, l'artiste, ce soir en direct de 20h à 21h sur Skyrock. Et retrouve l'émission rap numéro 1 en France en vidéo live et en exclu sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock gratuite. Rise Supreme, minuit 2h avec Fred et DJ Kayz sur Skyrock. DJ Kayz numéro 5. I'm الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح صعيب يديني الريح هذا باش يسهل قالت لي يا الوليدة من ربي كبدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل ماشي أي وحدة ما تكونش غافل أنا ماشي سهل في الحب قلبي كبير ما تجيش وطيح صعيب يديني الريح أنا ماشي سهل في الحب قلبي كبير ما تجيش وطيح صعيب يديني الريح أنا ماشي سهل الحب في الشتا ونسالي في الصيف انا ماشي سهل ما بغيتش انا نكون خفيف في قلوب البنات انا ضيف نبدا الحب في الشتا ونسالي في الصيف انا ماشي سهل قالت لي الوليدة من ربي كبدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل انا ماشي سهل قالت لي الوليدة أنا ربي كبدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل أنا ماشي سهل راي سوبريم minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock numéro 3 وباغي نشوف ونسمع ما بلوند مع الراس متلالي الصوت كيف لابين فصاص الليل تحت دار عجبت الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند مع الراس متلالي الصوت ويا البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن عليا ولا نقولها للموند عايت انتي حتى انا ليا الصوت يا حن عليا ويا البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن عليا ولا نقولها للموند عايت انتي حتى انا ليا الصوت يا كيف الليل فصاص الليل تحضر شفت الموضيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند اما على راس متلالي الصوت كيف الليل فصاص الليل تحضر شفت الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند اما على راس متلالي الصوت عليك انقهتونا ببغيني تبغيك في الاخر تقولو تحت ما يستاهل ولي ما كتقولو الحب ماشي سهل في الاخر تقولو تحت ما يستاهل ولي ما كتقولو الحب ماشي سهل سليباتي انا سليباتي عايش بخير هاني الله كبير دابت الله في راسك وفي الوالدين نميرو دو كل شي في الأول كي يكون سوين الكلام نحلو القلب لحنين بعيد فضلنا عزازي والله ما بغي نطير انا سلي باتي عايش بخير هاي الله كبير سلي باتي انا سلي باتي دابت الله في راسك وفي avec ça des DJ Kays sur Skyrock. Ma chérie, le voilà, le voilà, c'est le galbic. se mettre bien sur un iota. Je veux claquer tout mon pays, tout mon bénéf. Oh oui, au pays des ténèbres. Foncez dans le bord avec Ali, j'emmène au pays des merdes. Des hommes au bilan de la veille. Pose pas trop de questions, oui, suis-moi ma belle. Oui, y'a du champ, pas du whisky, d'un vodka, de quoi te donner la migraine au réveil. Face à moi, tu m'attends.

dans le club, dans le bloc, on s'adapte à l'époque. J'partage la cagnotte, on s'y rentre le sirop. Baby, t'es mon copilote. Gauche, droite, Sam Samouraï. On tapera la danse des voyous. Brave les dangers, fente les représailles. Ça, c'est la danse des voyous. La rue nous colle à la peau. On va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau. Je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça, c'est la danse des voyous. On s'est construit un empire qui nous ressemble vraiment. Et dire qu'on pensait être libre, sans même tourner les pages du livre. Quand toi rien n'était possible, on a figé le temps. Je prendrai toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Je prendrai toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle. Flip, huh? Left on the plane, came on the boat, 300 chains, came in her throat. Ain't no telling where a nigga might be. Nigga game floor seats right next Spike Lee. I be hiding the motherfucker, fly in the motherfucker. 500 horse, ride like a motherfucker. Please tell me what these niggas selling with pressure on tight, you know these niggas tell. Champagne like July 4th, buggy out Porsche. Beat the pussy up, Scott Storch. Montana get A-Rap money, laughing to the bank, cause these niggas funny, huh? Vegas, Vegas, Rolls Royce, pétasse, constable. 20 bouteilles, toujours calibrées dans le club, refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air, talk about it, I live. On compte en l'air, fly cars, I whip. On compte en l'air, they can stop me, I'm all the way up. Thank you.

get down. Tell me. Get down on it. Faut pas faire le lièvre. Répère, prends ton temps. Samedi soir, tout le monde il est beau. Tout le monde il est content. Que les balances restent assises. Pour ceux qui parlent mal au keuf, les mâles dominants qui font craquer les meufs. Grosse liasse de billets verts. Pour celles qui taffent pas les miches, donneuses, gratteuses de verre. Pacifique avec un revolver dans la caisse au cas où. Y'a trop de videurs qui jouent les voyous. Saturday morning. Friday Saturday. Housework is calling. Des pubs, des coups de tub. C'est le kiff, c'est fun, c'est le meilleur, la kiff fun. Un bon joint de seum sur l'autoroute du sun. Chaleur à se mettre tout nu. Vas-y, à clean, t'as la clim. Baisse les vite, fais péter le son, vas-y, frime, ça sent le crime. C'est le comment rien qui rime dans ton cap sur la côte. En boîte aux bled comme tonton Kelly. Bon trim toute l'année, plus le stress à planer. Grâce aux cieux, laisse mon flot te faire planer. Comme dit Tupac, garde le smile for me. Même si c'est Azermi qui t'a formé. Robert, Renoir, Babtou, Chinois, tout le monde est prêt. Sans wesh, proto, que sort de prix. Son pour tous les mecs de Vitry. Jusqu'à Détroit, D1, Fleury, jusqu'à Fresno, Détroit. Everybody's busy. They can't wait for the night to begin. Get down on Saturday night. Saturday night. Saturday night. It's gonna be alright. Saturday night.

tu m'attends. Pas à pas tu me parles. Et devant toi j'ai baissé les armes. Et c'était confiance en moi. Confiance en moi. Pas à pas tu te dévoiles. Et devant toi j'ai baissé les armes. Et c'était confiance en moi. Y'a danger, tu t'avances et je suis paré à décoller. Tu veux t'amuser, pour ça j'ai pas le temps. Je t'ai intimidé, je te demande pardon. Pas à pas tu me parles, et devant toi j'ai baissé tes armes. Il faut que t'aies confiance en moi, confiance en moi. Pas à pas tu te dévoiles, et devant toi j'ai baissé tes armes. Il faut que t'aies confiance en moi. C'est comme ça qu'on les aime, nos beautés marocaines. Beauté marocaine. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Toute belle eau naturelle. Toute belle eau naturelle. Oh, beauté marocaine. C'est comme ça qu'on les aime, nos beautés marocaines. Beauté marocaine est une princesse. Du nord, sud, est à l'ouest. Dans tous les mariages, elle rend fou les hommes. Danse comme une vraie déesse. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Beauté marocaine. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Toutes belles eaux naturelles. Toutes belles eaux naturelles. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Le Maribia, Tielli Mbri, Le Maribia, Tielli Mbri, Le Maribia, Tielli Mbri.

j'ai pas mis du Gucci. Je m'en souviens du Dortmund, j'ai fait le buzz, j'ai pas mis du Gucci. J'ai pas l'étonné, de la mama maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Thank you. avec Fred et DJ Kay sur Skyrock. Verre de champagne et on t'aborde. Jette ton sort, ce soir on sort. Déhanche ton corps, faiblesse de l'homme. PCPG, elle se recoude le nez. Une ancienne Cosette, c'est une nouvelle fée. Pose ta bouteille, c'est la gratuité. Éblouis le soleil, c'est la gratuité. Hey, c'est la gratuité. Hey, c'est la gratuité. Hey, c'est la gratuité. Hey, c'est la gratuité. Gratuité. Gratuité. Gratuité. Merci. Ouais. Merci à toi. On s'est mis un petit peu de funk. On s'est mis bien. On a mis des sons un peu de nostalgie. Qu'est-ce que c'était bon, ces morceaux ouais, funk. Vraiment pas mal. Ouais. Voilà. Donc moi qui adore la funk, c'est que. Ouais, bien sûr, on adore. C'est tous. Ma vie. Ouais, exactement. C'est ma vie. On adore tous. Le label Solar, Delegation, et Imagination. Oui, voilà. Donc, tout ce qui était en ON. En ON, voilà. Et tout, voilà. Des fois, en fin d'émission, on se fait péter des petits sons à l'ancienne comme ça. Et bah, toujours un plaisir. Merci à toi, en tout cas, merci Case. À vous. Ouais. Rendez-vous dans une semaine. Et puis, rendez-vous, notez bien, le 31 décembre, tu seras à Nice. Voilà, au Famous à Nice. Et toutes les autres dates, je suis un petit peu partout au mois de décembre, ça bouge beaucoup et vous verrez ça sur les réseaux sociaux directement. DJ Case. Merci à toi, merci à vous merci tous. Merci Fred, merci Fabien. Fabien qui s'éclate avec son petit café. Qui adore toujours. Je sais à pas chaque si fois. C'est du café, non. Ouais, bah ça, malheureusement, à cette heure-là, j'en ai bien peur. Ouais, tu on est basculé autre chose. J'espère qu'il prendra le taxi en rentrant. Ah, bah évidemment. Hein, on vous rappelle surtout en ces périodes-là, de mois de décembre, ah, tout, ouais, d'être ouais. très prudent toujours. C'est ça. Merci Case, merci à vous tous. La suite du son sur Skyrock, c'est repartir à Paris Beyond Non-Stop et je vous retrouve tout à l'heure avec. Tiens, l'artiste aussi sur Skyrock, ce sera dans Planète Rap toute la semaine. Ciao.